En passant les Pyrénées, y a de la neige, y a de la neige. En passant les Pyrénées, y a de la neige jusqu'au nez. En passant les Pyrénées, y a de la neige, y a de la neige. En passant les Pyrénées, y a de la neige.